et le baron, après avoir vu entrer Lisbeth rue Vanneau, revint faire le whist et resta chez lui. La baronne fut au comble du bonheur. Son mari paraissait revenir à la vie de famille, car pendant 15 jours environ, il alla le matin au ministère à 9 heures, il était de retour à 6 heures pour dîner, et il demeurait le soir au milieu de sa famille. Il mena 2 fois Adeline et Hortense au spectacle. La mère et la fille firent dire 3 messes d'action de grâce et prièrent Dieu de leur conserver le mari, le père qu'il leur avait rendu. Un soir, Victorin Hulot, en voyant son père aller se coucher, dit à sa mère « Eh bien, nous sommes heureux, mon père nous est revenu. Aussi ne regrettons-nous pas, ma femme et moi, nos capitaux, si cela tient. » « Votre père a 70 ans bientôt, » répondit la baronne. « Il pense encore à Madame Marneffe, je m'en suis aperçue. Mais bientôt il n'y pensera plus. La passion des femmes n'est pas comme le jeu, comme la spéculation ou comme l'avarice. On y voit un terme. » La belle Adeline, car cette femme était toujours belle en dépit de ses 50 ans et de ses chagrins, se trompait en ceci. Les libertins, ces gens que la nature a doués de la faculté précieuse d'aimer au-delà des limites qu'elle fixe à l'amour, n'ont presque jamais leur âge. Pendant ce laps de vertu, le baron était allé 3 fois rue du Dauphin, et il n'y avait jamais eu 70 ans. La passion ranimée le rajeunissait, et il eut livré son honneur à Valérie, sa famille, tout sans un regret. Mais Valérie, entièrement changée, ne lui parlait jamais ni d'argent, ni des 1200 francs de rente à faire à leur fils. Au contraire, elle lui offrait de l'or. Elle aimait Hulot comme une femme de 36 ans aime un bel étudiant en droit, bien pauvre, bien poétique, bien amoureux. Et la pauvre Adeline croyait avoir reconquis son cher Hector.